Bonjour à tous, bienvenue sur la radio Fadjet évidemment pour l'émission iFunk 94.2 évidemment. Aujourd'hui on est samedi, pour découvrir ou redécouvrir une nouvelle émission. Je me présente, Dorian, pour l'émission iFunk. L'objectif de cette émission, comme toujours, faire profiter un maximum aux gens, faire découvrir aussi hein, les sons funk, les sons disco des années 60, 70, 80, 90. Généralement plutôt de la culture afro-américaine des États-Unis. Afro-américaine généralement, c'est pas du Japon. Et en tous les cas, pour un maximum de pleasure. Puisqu'on part en ce moment, je pense que tout le monde a besoin d'un peu de pleasure, surtout pendant la rentrée. La rentrée va me permettre évidemment de vous faire redécouvrir pour ceux qui commencent un petit peu les piliers, n'est-ce pas? Les piliers du funk. Alors j'ai évidemment en tête. On va commencer tout de suite, on va commencer tout de suite par Michael Jackson, d'accord? On commence bien cette année, évidemment avec du Michael Jackson. C'est parti, Michael Jackson, P.I.T. et c'est sur Radio Fagette, mes amis. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a P.I.T. Latoya, je dis pas de bêtises. Latoya et Latoya et Janet. Janet, on entend Janet et Jackson dans cette chanson-là. Bon, c'est nanana, c'est pas voilà. Alors, il faut savoir que ce son-là est l'avant-dernier, si vous voulez, single de l'album ultime, évidemment, de Thriller, celui qui s'est vendu à des centaines de millions d'albums. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le droit de pas connaître Michael Jackson, hein. Voilà, ça peut arriver, ça peut arriver, tout le monde n'est pas parfait. Non, plus sérieusement, donc ce son a été fait, bah, du coup, elle est sortie le 19 septembre 1983, hein, pour être exact. Quoi d'autre ? Oui, certains l'ont peut-être entendu en 2009, puisqu'elle a été reprise notamment par Kanye West. Souvenez-vous, avec Good Life, hein, c'est exactement le même son, hein. Dindin. Non, j'arriverai pas à le faire. Je fais du beatbox, mais pas à ce point-là. Ensuite, quoi d'autre comme info qui est intéressante là-dessus ? Oui, oui, bon, c'est pas vraiment une info, mais bon, si vous suivez un petit peu le personnage, il faut savoir qu'avant Michael Jackson, c'était vraiment le dandy, enfin, c'est vraiment tout gentil, hein, tout gentil. Hello, my name is Michael Jackson. Vraiment tout gentil. Et c'est vraiment là, avec The Way You Make Me Feel, et donc, du coup, ce son-là, hein, P.I.T., hein, Pretty Young Thing, eh bien, il se donne un petit peu une image de lover. Voilà, c'est l'air lover de Michael Jackson, je dirais. Alors, en tous les cas, ça fait déjà 6 minutes que nous sommes ensemble pour un maximum de pleasure, évidemment, sur Radio Fagette. Ça me fait super plaisir de vous avoir. Alors, petite, voilà, j'en profite, hein, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des idées, justement, en rapport avec le funk ou des choses comme ça, de le faire partager, tout simplement, sur avec Radio Fagette, pour que je puisse en savoir plus. Et si vous avez aussi des idées de sons, hein, tout simplement, des sons un peu méconnus, ou même si vous êtes un groupe, parce que j'avais une précédente émission avant sur notre radio, et j'ai galéré à trouver des groupes de funk locaux. Ça me ferait super plaisir, et bien évidemment, de partager à tout le monde du funk, et encore plus si c'est du coin, quoi. Ça me ferait trop plaisir. Voilà. Alors, justement, on parle de partager du son, et bien, je vais en profiter pour vous faire partager. Je vous explique juste, moi, je galère à chaque fois pour vous trouver des nouveaux sons, parce que j'ai 30 minutes, j'ai, si vous voulez, 15 sons de prévus dans chaque journée, et je dois vous en mettre 4 ou 5. Allez, c'est parti, on va vous mettre... Allez, faut choisir, on se lance dans rien, c'est parti. Je vais vous mettre A Change, Got to Get Up. Oui, ça bouge, ça c'est bien ça, je vais vous mettre ça. C'est parti, vous êtes prêts? Parce qu'il faut être prêt pour écouter du funk quand même, hein. Allez, c'est parti mes amis. Change, Got to Get Up. Et c'est sur iFunk mes amis. Allez, ça bouge. Gotta get up. Gotta get away. That's what you got to do. Oh yeah. Sur iFunk évidemment. Alors c'est vrai que de tête j'avais un son qui, je sais pas pourquoi, qui bougeait beaucoup plus et finalement c'est beaucoup plus calme, tranquille. Mais parfois c'est bien de prendre un peu son temps et d'être tranquille. En tous les cas, moi encore une fois, je sais, je vais vous le dire tellement de fois, ça me fait tellement plaisir de vous avoir évidemment avec moi aujourd'hui. Alors j'espère que de votre côté il y a du soleil. Normalement, vous le voyez comme moi, hein, un grand soleil, beaucoup de chaleur, profitez-en pour, évidemment, encore plus d'ondes funky. Ah, bah moi, c'est comme d'hab, hein, je sais pas trop ce que je vais vous mettre. Allez, si. Là, je vais vous mettre un truc qui bouge, d'accord ? On part sur les bases, hein ? C'est parti pour Commodore, d'accord ? Commodore, Brick House, on en parle juste après, et c'est sûr. I funk, mes amis. Radio Fadjet 94.2, je vous aime, je vous adore, et c'est parti pour encore plus de funk. How the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the suit she used? 36, 24, 36. Oh, what a winning hand. Oh, she's a brick house. She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. Infos marrantes. Alors déjà, tout d'abord, c'est parti de l'album Commodore, hein, qui a été fait en 1977. Or, quand on parle de Brick House, en fait, il s'agit ni plus ni moins d'une femme, puisque, eh bien, l'histoire parle d'une femme au corps magnifique qui s'est construite comme une maison en briques. Voilà, donc Brick House. Alors, petite info assez marrante, quel est le rapport entre donc cette chanson, d'accord, AC/DC et Rob Zombie? Alors oui, oui, il y a un rapport, ça c'est drôle. Alors pour Rob Zombie, tout simplement en 2003, Lionel Richie donc a enregistré une nouvelle version de cette chanson-là avec le hard rocker Rob Zombie. Pour le film Zombie House of Thousand Corpses, je ne sais pas si je le dis correctement. Donc c'était un mix assez marrant finalement du funk et du hard rock. Alors quel rapport avec AC/DC ? À un moment vous entendez 36, 24, 36. Mais en fait il s'agit de mensurations. Ce sont des mensurations qui ont été citées avec précision un an avant dans le groupe donc dans Dirty Deeds Done Dirt Cheap. J'adore faire mon accent américain, you know. Donc c'était AC/DC et The Shadows qui ont sorti une chanson intitulée 36, 24, 36 en 1961. Voilà, donc... alors c'est pas un an avant ça, c'est pas grave. Mais en tous les cas, c'est donc le rapport que vous avez entre du métal et du funk, comme quoi toutes les musiques sont liées. Et enfin, la petite histoire qui est aussi sympa, il y a pas mal d'histoires sur cette chanson-là, c'est concernant l'écriture. Alors il faut savoir que de base, il manquait une chanson pour cet album, donc The Commodore. Et il faut savoir que du coup, le guitariste trompettiste William King, il a été renvoyé chez lui, d'accord, pour « Vas-y, vas-y, trouve une chanson, vas-y, débrouille-toi, trouve une chanson. » Et il galère, et il s'endort. Et quand il se réveille, il voit une liasse de papier sur son ventre. Je suppose qu'il dort sur le dos, n'est-ce pas ? J'espère pour lui, parce que sinon, c'est qu'il... Bref. Et donc, à partir de là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que pendant qu'il dormait, sa femme, qui en fait s'avère être aussi auteur-compositrice, a écrit les paroles de la chanson. En fait, pendant qu'il dormait, vu qu'il était en galère, c'est sa femme qui a écrit la chanson. Ils ont mis un petit son groovy, you know ? The Break House. Et finalement, ça a cartonné. Ça, c'est drôle que finalement, cette histoire de femme au corps magnifique a été écrite par la femme. Alors, je ne sais pas si c'est pour s'envoyer des fleurs. J'en sais rien. En tous les cas, c'est des histoires assez sympas à découvrir, eh bien, sur iFunk. Alors, moi, ça me fait super plaisir de vous avoir. Ça fait presque 18 minutes. Le temps passe trop vite, mes amis. N'est-ce pas ? Eh bien, ça me force à vous mettre un nouveau son, n'est-ce pas ? Un peu de funk. Alors, j'ai envie de vous mettre... J'hésite. Ouais. Je suis obligé, puisque c'est la rentrée. On est obligé de commencer fort, toujours. C'est parti, part pour le daron, évidemment. C'est là où tout a commencé. C'est notre ange à nous, n'est-ce pas ? James Brown. Don't stop the funk. Et ça veut dire quoi ? N'arrête pas le funk. C'est sur iFunk, Radio Fadjet, 94.2. On n'arrête pas le funk, on n'arrête pas la musique. Et c'est parti. Peu importe où vous êtes, mes amis, une chose est obligatoire. Dansez. Très souvent, quand vous écoutez la radio, généralement, c'est des sons qui vont durer 3 minutes, 20, grand maximum, hein, puisque c'est un peu le format radio. Et moi, j'ai tendance à mettre le maximum. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, quand vous écoutez du funk, c'est un peu comme une histoire. C'est un peu comme du classique ou des choses comme ça, où c'est pas forcément 3 minutes où on doit mettre le maximum. Hein, c'est généralement une histoire petit à petit. Et puis après, vous avez des phases d'improvisation. Hein, James Brown, fonctionne souvent par des phases d'improvisation dans ses enregistrements. Des fois, il les fait en one shot. Hein. Donc, c'est très important, je trouve, en tous les cas, pour vous faire vraiment partager le côté funky, hein, de l'avoir vraiment dans l'environnement funk. C'est-à-dire en prenant le maximum de plaisir et un maximum de temps. Voilà, en parlant du temps, encore une fois, déjà 24 minutes, presque 25, qu'on est ensemble, ça nous laisse plus beaucoup de temps. Je suis désolé, j'ai presque envie. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais vous souhaitez que ça dure un peu plus longtemps. Moi, ça me pose aucun problème. Moi, je peux faire ça des années sans m'arrêter. Hein. J'ai une petite Red Bull à côté. On ne doit pas placer de produit, je suppose. On va dire. Alors, je dois en dire trois, Crazy Tiger et Monster, voilà. Donc, en tous les cas, moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai du funk, j'ai de l'eau. c'est un super slogan, n'est-ce pas ? Je peux vous en faire profiter un maximum. En tous les cas, on va partir directement sur le son de la fin, hein, puisque après, ça fait 30 minutes. Hein, et puis après, voilà, c'est la fin. Non, pas le son de la fin tout de suite. J'ai envie de vous faire redécouvrir un petit peu. On va bouger un petit peu. Je me dépêche parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. On va faire donc Gloria Gaynor, I Will Survive. C'est parti. Hein ? Voilà, Gloria Gaynor, j'ai évidemment plein de trucs à vous dire sur Gloria Gaynor, mais je vais d'abord vous faire découvrir ce son-là. C'est parti, c'est sur iFunk Radio Fadjet 94.2. Je vous aime et vive le funk. C'est parti ! But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. son évidemment anthologique de Gloria Gaynor. Donc un son, j'ai tellement de choses à vous raconter. En tout cas, il fait partie de l'album Love Track 1978. Le truc de base évidemment pour Gloria Gaynor, c'est d'abord avant tout un message d'espoir, un message de motivation, de jamais abandonner, puisque c'est d'abord en rapport avec sa propre situation où bah, finalement sa maison de production à l'époque lui avait dit ciao, alors que bah, ça, tout fonctionnait bien, etc. Elle n'a pas abandonné sa passion, n'a pas abandonné ce qu'elle aimait le plus. Et je vous invite évidemment de votre côté, ne jamais abandonner, toujours tenir le coup, parce que quoi qu'il arrive, vous pourrez survivre. Voilà, alors il ne reste plus qu'une minute. Bah évidemment, ça n'existe pas des sons d'une minute, je vais juste vous mettre en fond I Want You Back, puisque c'est un magnifique message, n'est-ce pas, puisque j'ai envie de votre retour, n'est-ce pas? J'espère vous revoir. On est à la radio, donc c'est compliqué, je sais. Mais, en tous les cas, j'espère évidemment vous avoir dès la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, toujours l'après-midi, sur la super radio Fachette, hein, qui nous laisse le droit sur la 94.2, bah, de vous expulser plus de funk possible dans votre corps, n'est-ce pas, pour vous guérir. Je suis là pour vous guérir. Bref, parlons plus sérieusement, ça me fait super plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Je suis super heureux, je vous souhaite le meilleur, le maximum. Une super semaine, un super week-end, une superbe vie, du super funk. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes disco, funk. Et je vous adore. I want you back. Bah vous n'entendrez pas la fin malheureusement, mais on l'écoutera la semaine prochaine si vous êtes là. Ciao.